Leçon 12. 12e leçon. Le train de Niort. Première partie. Monsieur Blond vous parle de son travail. Allô, ici la gare du Nord, les renseignements. Allô? Ah, zut! Il a raccroché. Il va certainement retéléphoner tout à l'heure. Toute la journée, je réponds au téléphone. Je suis employé à la SNCF. Les gens me téléphonent et me posent des questions. Par exemple, le train de Lyon part à quel quai? Le train de Niort arrive à quelle heure? Est-ce que le train de Nice a un wagon restaurant? Quel est le prix d'un aller-retour Paris-Lille? Quelle est l'heure de départ du Mistral? Le Mistral, c'est le rapide de Marseille. Quels sont les trains les plus rapides pour aller à Bordeaux? Quelles sont les heures d'arrivée des trains en provenance de Toulouse? Je connais l'horaire des trains par cœur.